Björn Ardozo est enseignant-chercheur ici à l'Université de Liège. Il a beaucoup de domaines de compétences et de recherches, sociologie et littérature, humanité numérique et culture populaire. C'est plutôt évidemment ce dernier créneau qui est mis en évidence à travers cette conférence. Je lui cède tout de suite la parole car j'ai été long, mais je sais qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Je le remercie d'avoir été présent et très très bonne conférence. Merci Dick. Merci à tous d'être là, nombreux. Je suis un peu déçu, je ne vois personne déguisé, donc ça veut dire qu'il va falloir être un peu sérieux quand même. J'ai énormément de choses à vous dire, donc je vais devoir courir un petit peu, je suis un peu désolé par avance. J'espère pouvoir vous montrer l'un ou l'autre extrait. Je suis très content, j'ai appris à monter. Donc le plan général de l'exposé, il y aura quatre grandes parties. Une première qui reviendra sur l'aspect visuel, l'esthétique du mal, que j'ai présomptueusement appelé ça comme ça. Puis revenir sur l'univers Star Wars dans son ensemble, la place de Dark Vador viendra dans un troisième temps, avec l'examen de la vision de George Lucas, et enfin une lecture assez actuelle de La Revanche des Sith, c'est-à-dire le dernier sorti, le troisième opus de la prélogie. Alors, l'objectif va être, dans cette première partie, de montrer le mal. Mais avant tout, attardons-nous sur le personnage lui-même, qui est donc le troisième plus grand méchant de l'histoire selon l'American Film Institute, un vote de 2003. Troisième plus grand méchant, il fallait bien au moins s'y mettre à 5 pour l'incarner. Donc un corps, David Prowse, une voix, James Earl Jones, un vieux, qui en fait apparaît uniquement dans Le Retour du Jedi quand Dark Vador enlève son casque, un très jeune, Jake Lloyd, qu'on ne reconnaît plus vraiment dans sa puberté. Et puis, celui qui a fait longuement débat, Hayden Christensen, est-ce qu'il joue comme un pavé ou est-ce que c'est le personnage qui veut ça? On peut dire que ça reste l'objet de débat et c'est peut-être là la richesse de cette représentation de Vador. Parfois, quelques confusions aussi. La version originale avec Sébastien Shaw et puis la version DVD, mais qui est ce gars-là? Ça aussi, ça a fait débat. Sans parler des autres supports, la BD, le comics de cette année, qui pour moi est un très grand morceau, je vous conseille vivement. The Clone Wars, c'est-à-dire la version en image de synthèse. La version en dessin animé qui a eu moins d'impact, mais qui n'en demeure pas moins une pièce d'anthologie, je vous conseille vivement. Bref. Dark Vador a été incarné par toute une série d'images qui mériteraient un développement plus long. Un emblème, son casque. Alors, deux sources parmi d'autres, mais me semble-t-il deux sources qui font sens. L'aspiration asiatique, le casque de samouraï. L'affiche de la Deuxième Guerre mondiale, qui en fait est une affiche qui mettait en garde contre l'espionnage industriel. On retrouve ces formes de casques dans d'autres endroits, et puis ça reste quand même un des points d'interrogation, je veux dire, des bandes annonces de l'épisode 7. Il a suffi de montrer ça pour que Internet s'emballe. Pourtant, c'est un casque tout pourri. L'aspiration asiatique encore, là on n'est plus dans le mal, mais c'est pour prolonger. Donc vous voyez très nettement une aspiration du début du 20e siècle. Avec deux princesses mongoles, une princesse coréenne, avec la princesse ou la reine Amidale. Il me semble que ça se passe assez bien de commentaire. Une inspiration asiatique bis, ou tierce, si on prend le casque comme premier élément. Le costume de samouraï, mais aussi, me semble-t-il, des choses du côté de l'ordre de Malte, des habits en bure. Il me semble qu'il y a possibilité d'articuler les deux, et c'est peut-être ça qui fait la richesse du visuel, en tout cas de Star Wars, c'est cette capacité à mobiliser des éléments qui viennent de partout. Je pourrais aussi évoquer le chancelier Palpatine quand, dans le 3, il a des manches bouffantes, ça évoque très fort les costumes baroques du 16e. Bref, une capacité à mixer des influences de toutes sortes dans cette grande fresque. Je termine sur les sources visuelles. Le costume rappelant les armées de l'Axe pour le Grand Moff Tarkin et une référence intra-cinématographique, c'est-à-dire Christopher Lee, qui est le comte Dooku, et qui, avec sa cape, évoque déjà très fort Dracula, qu'il a pu incarner pendant plus d'une vingtaine d'années à la mort. Deuxième grand moment visuel de la saga, c'est la disparition de l'homme derrière la machine, c'est-à-dire l'évocation en fait de l'absorption de toute humanité derrière le masque. Cette scène-là en fait s'inspire très nettement du Frankenstein, d'un Frankenstein, où il y a une mise en scène de l'apparition du masque devant les yeux de Darth Vader. Et cette rupture sonore au moment où on entend la première respiration de ce grand brûlé. Je continue à avancer. Donc, Darth Vader, au centre, me semble-t-il, d'un très vaste univers, il me faut vous présenter la saga, comment elle se structure, comment elle s'est structurée, pour être plus précis, et comment, depuis Disney, elle a évolué. Donc, la première trilogie, 77-83, la deuxième trilogie, 99-2005, de Clone Wars, dans la version 3D 2008-2013, qui devait se prolonger normalement encore une sixième saison, mais qui n'a pas été pour les raisons qu'on va voir. Une première version de Clone Wars en 2003-2005, avec des épisodes beaucoup plus courts. La nouvelle série Star Wars Rebels. D'autres séries, comme la série Ewoks, que les plus anciens... Bon, les plus anciens se souviendront avec nostalgie. Ou pas. plus de 200 romans, dont une quarantaine traduits en français, des bandes dessinées, des comics, des jeux vidéo qui ont pu faire découvrir des morceaux entiers de la chronologie de Star Wars sans qu'on en ait eu vent auparavant, et des séries de produits dérivés. Alors au début j'avais une foultitude d'images de produits dérivés, et puis comme j'ai pas le temps, eh bien vous tapez « produits dérivés Star Wars » dans Google, et vous en saurez presque autant que moi. Alors, concernant le canon, l'univers étendu, de quoi s'agit-il exactement? En simplifiant très fort, s'il vous plaît, ne me lancez pas des cailloux, toutes les œuvres supervisées par Lucas sont canoniques. L'univers étendu, c'était tout le reste, avec une cohérence d'ensemble. Il y a même quelqu'un qui est payé pour surveiller la cohérence de l'holocron. Donc c'est la base de données qui reprend tous les éléments constitutifs de la saga Star Wars. Et puis, il y a une troisième forme de référence à Star Wars, c'est le licensing. Angry Birds ne fait pas partie du canon. Catastrophe, le 25 avril 2014, c'est la fin du monde, en tout cas d'une partie du monde. L'univers étendu est mis de côté, il est rebaptisé univers Legends, en quelque sorte. Cela pour, en fait, offrir la possibilité aux créatifs qui vont travailler sur les épisodes 7, 8, 9, de repartir de zéro, ou en tout cas de ne plus être aussi contraint par l'univers étendu, parce que cet univers étendu permettait de savoir ce qui allait se passer 150 ans après la bataille de Yavin, ce qui, pour l'effet de surprise, est un peu à boulot. À la suite du rachat de Lucasfilm par Disney, des profonds bouleversements d'un univers fictionnel, la fin de Clone Wars est en fait lié non pas à une mauvaise qualité ou quoi que ce soit, mais à des accords économiques qui faisaient en sorte que c'était publié, en fait, enfin c'était diffusé sur Cartoon Network, qui est la chaîne concurrente principale de Disney Channel. Donc ils ont arrêté la cinquième saison avec un dénouement assez expéditif par rapport à la mise en place dans les cinq premières saisons. J'insiste sur Clone Wars parce que c'est ce qui permet d'avoir une forme de développement psychologique et fonctionnel de Darth Vader en dehors des films. C'est Clone Wars tourne autour de la figure de Darth Vader, pas de Anakin Skywalker. Il sera remplacé par Star Wars Rebels, et ça c'est une grande force du merchandising, c'est d'avoir pu toucher en fait au moins 4 générations, 70-80, 2000, 2005 et 2010. Alors c'est des générations qui sont de plus en plus proches, mais ça permet d'avoir un continuum beaucoup plus dense. Donc on en est à deux univers parallèles, l'univers Legends d'un côté qui est l'ancien univers étendu, et puis l'univers canon qui est conservé comme tel, mais qui s'enrichit de rien avant de la plupart des nouvelles créations. Star Wars Rebels est canonique. Chronologie. Ça c'était l'univers étendu. Juste pour vous donner une idée, The Old Republic, c'est dépendant notamment du jeu vidéo KOTOR, Knight of the Old Republic, qui permet d'avoir des personnages qui n'apparaissent pas dans les films, mais on est quand même 3900 ans avant la bataille d'Aerie, mais qui permettent de comprendre l'arrière-fond politique développé dans les films. Vous allez voir que tout ça va être fortement réduit. Hein, on a sabré au-dessus, en dessous et sur les côtés, pour ne conserver dans l'univers canon actuel que les trois épisodes de la prélogie, les trois épisodes de la trilogie d'origine, la guerre des clones, Star Wars Rebels, et une ouverture vers ce qu'on attend, c'est-à-dire l'épisode 7, 8, 9, et les spin-offs qui vont arriver. Voilà, ça, il me semble que maintenant, on est tous à peu près d'accord pour l'univers général de Star Wars. Quelle est la place de Vador dans tout ça? En gros, cette place de Vador dépend vraiment fort de la vision de Lucas. Parce que, si on reprend dans l'ordre de création, qu'est-ce qu'on a? On a un premier film, Star Wars en 77, qui sera rebaptisé en 97 Star Wars A New Hope, pour s'insérer en fait dans la continuité narrative. On a un film qui commence in medias res, tout à fait, qui s'intitule Épisode 4, comme si c'est un au-delà de est-ce que ça existait dans l'imaginaire de Lucas, est-ce que il avait prévu effectivement 3 trilogies. Au-delà de ces questions de continuité, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette narration qui se focalise sur un moment précis, qui transforme la vie d'un ado en une épopée, et qui finalement se suffit à lui-même dans un premier temps. Vador, en fait, dans ce premier film, n'apparaît que 12 minutes, mais sa présence est inoubliable, parce que la scène d'entrée, souvenez-vous, tout est mis en place pour le long du couloir. On voit déjà des rebelles se positionner pour tirer, la porte explose comme un magicien, et qui est-ce qu'on voit arriver après 2 ou 3 Stormtroopers? Dark Vador. C'est une image tout à fait fascinante et marquante pour n'importe qui. L'analyse qu'on fait généralement du premier épisode, c'est selon le monomythe de Campbell. Alors le monomythe de Campbell, c'est le voyage initiatique du héros. Je vais aller très vite là-dessus. Ce voyage se compose au départ de 17 épisodes, mais il a été retravaillé par Christophe Vogler, qui est en gros un script doctor, c'est quelqu'un qui reçoit des scripts de films et qui les arrange pour que ça tienne bien dans l'économie générale hollywoodienne contemporaine. Tous les blockbusters depuis 30 ans passent à la moulinette de ce type de structure. Il va la résumer en 12 épisodes, mais ce monomythe, en fait, s'intéresse avant tout à un héros. Et qui est ce héros dans Star Wars 1? C'est pas Dark Vador, c'est Luke Skywalker. D'accord? Et Luke Skywalker va connaître toute la destinée du héros traditionnel, c'est-à-dire on va le présenter dans un monde ordinaire, monde dominé par le côté obscur, c'est-à-dire l'Empire. Il va y avoir un appel du héros, le refus de l'appel, la rencontre du mentor avec Obi-Wan Kenobi, la rencontre des alliés du héros avec Chewbacca et Han Solo, la descente dans la caverne quand il affronte, c'est une métaphore, la descente dans la caverne, quand il affronte pour la première fois ses premières parts, la confrontation avec la mort, etc., etc. Bref, ça, c'est l'analyse traditionnelle. Sauf que, après le premier épisode, gros succès, mais Luc, on a un peu épuisé toutes ses ressources. C'est vraiment le héros un peu en carton-pâte. Donc, basculement, je suis ton père, tout le monde s'en souvient, dans l'Empire contre-attaque en 80, l'épopée bascule en tragédie familiale. L'idée, c'est de rendre les tensions galactiques à l'échelle de la famille. C'est la grande idée, en fait, de la saga, celle qui permet de densifier, en fait, les relations entre les personnages tout en conservant un son et lumière, je veux dire, extrêmement dynamique et extrêmement visuel. La confirmation est totale dans Le Retour du Jedi, où c'est Darth Vader qui sauve, en fait, Luke Skywalker en se sacrifiant. D'où cette citation qui me paraît assez juste, que je sors de Richard Memento, j'ai oublié le bouquin, mais je vous le conseille, c'est une pop culture, réflexion sur les industries virales et l'invention des identités, c'est un livre qui se lit vraiment bien et qui est finement intelligent. Pour tous ceux qui ont vu l'épisode 6, il est clair que c'est Dark Vador qui se débarrasse de Dark Sidious Palpatine. Dans l'esprit de l'enfant que j'étais, ça voulait dire que c'était Dark Vador le plus fort. Quand on est le plus fort et qu'en plus on tue le méchant, il est impossible, selon une évidence égale à celle du « je pense donc je suis », qu'on ne soit pas le héros. La fin de Star Wars est sans appel, on a affaire à une soudaine et géniale réécriture rétroactive de la série, car c'est alors le père, en se sacrifiant pour son fils, qui devient le sujet central de la première trilogie, ce que la deuxième trilogie confirme ensuite. Le film d'ado campbellien, pleurnichard, finit en tragédie. Ce sera effectivement le fil rouge de la saga. Dans la prélogie, Lucas veut approfondir la trajectoire de Vador, l'élu qui doit ramener l'équilibre dans la force, Dixit Qui-Gon Jinn. On voit ces affiches au look assez... pop, pour rester sobre. Et donc, l'élu, il en a toutes les caractéristiques. C'est Jésus, c'est Neo dans Matrix, c'est Frodo, si on veut. Mais de manière miraculeuse, sans peur, il a le don de préscience, donc il est... présent notamment dans la course de Spider. Il est plein de midi-chloriens, mais ça, on ne sait pas tous ce que c'est. Il est esclave au départ, il va devoir racheter sa liberté, donc là on est vraiment dans les évocations très classiques de la Bible, etc. Et son but ultime, en tout cas pour Qui-Gon, la prophétie dont on ne sait pas grand-chose finalement, est de rétablir l'équilibre dans la force. Les quelques phrases sur la prophétie, je les ai résumées ici. Donc, Qui-Gon se fait tuer par Darth Maul et il fait promettre à Obi-Wan « Promets-moi de former l'enfant, c'est lui l'élu, l'envoyé qui apportera l'équilibre. » On n'en sait pas plus. Une autre évocation. Discussion entre Yoda, Maître Windu et Obi-Wan. Obi-Wan qui soutient son Padawan. Et qui dit, mais si, il va y arriver, vous tracassez pas. Et Yoda, beaucoup plus dubitatif, mal interprété la prophétie, aura pu être. Et même Obi-Wan est contraint à la fin de se remettre en question en disant, tu étais l'élu, c'était toi, la prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux, tu devais rétablir l'équilibre dans la force et non la condamner à la nuit. Alors, une interprétation possible, parmi d'autres, si vous allez sur un forum... Anakin World ou Star Wars Holonet, bref, il y en a des dizaines. Celle-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est soutenue par Lucas. Donc, quelque part, on a un argument de poids quand même. Anakin ne pouvait ramener l'équilibre qu'après avoir détruit cet équilibre. Et donc, il accomplit sa prophétie en se sacrifiant pour détruire les Sith, c'est-à-dire en se sacrifiant pour se détruire lui-même aussi. Lucas dit, Anakin n'est pas réellement un traître, après on va y revenir. Lorsqu'il devient Dark Vador, il continue d'être l'élu de la prophétie Jedi. On pourrait même affirmer qu'Anakin devait indubitablement devenir Dark Vador afin d'accomplir la prophétie, car en devenant un Sith, il s'est retrouvé en position d'anéantir les derniers représentants de cette lignée magnifique, l'empereur Palpatine et lui-même. D'un côté, il a détruit à peu près tous les principaux représentants de la Force. Il ne faut pas oublier que cette tentative de réhabilitation a posteriori de Dark Vador va un peu à l'encontre de certains faits pesants, on va dire. Il a quand même tué la moitié d'un, enfin, quasiment tout un camp de pillards sur Tatooine, où il entre dans un état de rage incontrôlable et il massacre le camp entier. Il fait surtout un deuxième massacre assez lourd de sens aussi, où il tue tous les apprentis Jedi du temple lors de son passage du côté obscur. Donc, c'est bien de se dire que. Dark Vador, en quelque sorte, est réhabilité au bout du sixième film. Ce qu'on peut en retenir, c'est que si lui y arrive à ne pas avoir commis des atrocités pareilles, n'importe qui est sauvable, finalement. Donc c'est peut-être ça le message d'espoir qu'il y a derrière le film. Je vous laisse y penser. Mais, alors, si on prend une autre clé d'entrée pour savoir pourquoi Vador est au centre. Vador est au centre, on l'a vu, du fait de la construction narrative qui le pousse au fur et à mesure et qui s'intéresse, qui refocalise vraiment très fort sur lui. On sait qu'il y a des scènes qui ont été laissées de côté dans la prélogie pour pouvoir se concentrer vraiment sur la destinée de Vador et recalibrer le film autour de lui. Ici, ce que je voudrais souligner, c'est les clés, une clé un peu plus formaliste, si vous voulez, c'est les couples, les binômes ou les duos. Alors, donc là, on a C3PO et R2-D2. J'ai lu quelque part que les acteurs se détestaient, ce qui est un peu intéressant à savoir quand on voit la complicité qu'ils ont à l'écran, ou la non-complicité. Et les couples, il y en a plein. Han Solo, qui, soi-disant, selon son nom, travaille solo, est en fait tout le temps avec Chewbacca, et est en fait le complémentaire de Chewbacca. Chewbacca est fort poilu, Harrison Ford beaucoup moins. Ils ont une forme de compréhension interne qui fait en sorte que Chewbacca, c'est comme les jumeaux, il y en a toujours un qui communique avec l'extérieur, et il y en a un qui est plus en retrait, mais Chewbacca sera le jumeau en retrait. Autre chose, comme une figure fractale qui se retrouve tout au long des épisodes, c'est la relation de maître à disciple, de maître à padawan. Qui-Gon, Obi-Wan, Yoda, Luke, Obi-Wan, Luke. Luke, c'est pour ça qu'il est un peu bancal, mais c'est pas aussi stable que les autres. Et puis, Darth Sidious, et dans un premier temps, Darth Maul, et puis Darth Vader. Entre-temps, il y avait Dooku, mais Dooku, en fait, il a une trajectoire un peu particulière, parce que le comte Dooku, au départ, avait pour maître Yoda. Puis il est passé du côté obscur, et il est devenu une forme d'apprenti de Darth Sidious. Le seul couple amoureux, c'est Anakin. Et dans un film d'action, un grand spectacle, quand on prend le temps de s'attarder sur un couple amoureux, c'est que cette histoire d'amour n'est pas accessoire et a une importance, me semble-t-il, cruciale sur l'économie générale de l'intrigue. Donc, c'est encore, me semble-t-il, une trace que Anakin est bien au centre du dispositif. Alors, j'en arrive à mon analyse. C'est parfait, j'aurai même le temps de vous montrer les extraits, j'ai vraiment cavalé. On peut dire que la SF, c'est une forme de précipité de son époque. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ça cristallise, en quelque sorte, le discours social, les peurs, les obsessions, les tabous d'une époque, et que la grande qualité de Star Wars, c'est d'avoir 40 ans de cristallisation. Donc, il y a de multiples clés de lecture, il y a une capacité pour les analystes de s'emparer d'à peu près n'importe quel moment de la saga et de forger des interprétations toutes plus diverses les unes que les autres. Un exemple canonique qu'on retrouve dans beaucoup de livres, c'est notamment la psychanalyse de la famille Skywalker. Il y a des livres entiers qui sont consacrés à ça. Ce n'est pas la clé que je voulais privilégier aujourd'hui parce que finalement cette clé, maintenant on commence à la connaître. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est les conséquences du 11 septembre dans cette galaxie lointaine, si lointaine. Donc, c'est une lecture contemporaine, en rapport avec l'actualité, notamment l'actualité française, de cette revanche des Sith. D'abord, quelques éléments du caractère d'Anakin, qui en fait, si je grille la cartouche directement et vous donne mon interprétation, est un adolescent qui va se radicaliser, pour reprendre le terrain terminologique employé dans les médias à l'heure actuelle. Il est colérique, influençable, il a une grande difficulté à exprimer ses sentiments, une mauvaise maîtrise de la langue qui dénote en fait une absence d'éducation forte, mais il est en quête de justice et il défend les siens. R2-D2, sa mère, Padmé, Obi-Wan. Extrait. Celui-là est un peu long. Enfin, il fait 1 minute 30, mais... Oui, Anakin, très bien. Élimine-le. Tue-le maintenant. Je ne devrais pas. Tue-le. Il était trop dangereux pour qu'on le laisse vivre. Oui, mais c'était pas vous aimer les armées. Je n'aurais pas dû, c'est contraire au principe des Jedi. Juste retour des choses. Il t'a coupé un bras et tu voulais te venger. Ce n'est pas la première fois, Anakin. Rappelle-toi ce que tu m'as dit à propos de ta mère et des hommes de sable. Allons-nous-en, maintenant, avant que d'autres gars de Broïde n'arrivent. Anakin, on n'a pas de temps à perdre. On quitte ce vaisseau avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne paraît pas trop grave. Laisse-le, sinon nous sommes perdus. Son sort ne sera pas différent du vôtre. Donc là, l'extrait montre très clairement que colérique et influençable, il tranche la tête du comte Dooku. Et en même temps, une forte ambition de prendre soin de ceux à qui il tient, ce qui se trouve très fort marqué dans The Clone Wars, qui est une série en fait qui montre l'abnégation d'Anakin pour défendre la cause qu'il croit juste, en tout cas celle à laquelle il croit lui, selon une interprétation qu'il s'est forgée avec différents éléments que je vais vous expliquer. Cette version va en fait, au fur et à mesure, déplacer le curseur du côté de l'influençabilité d'Anakin. Autre caractéristique d'Anakin qui me semble importante, c'est sa très grande difficulté avec les discours, les subtilités langagières, son incapacité à formuler des idées en termes politiques clairs, bref, c'est un homme d'action, avant tout. Ce n'est pas un homme qui est fait pour les sénats, pour prendre des positions politiques complexes. C'est quelqu'un qui a une vision assez blanche ou noire de la société. Exemple de ses difficultés. Soyez attentifs. Tu es tellement belle. Je suis belle parce que je suis amoureuse. Non, tu es belle parce que moi je suis amoureuse. Quoi, c'est l'amour qui t'a fait? Non, je ne promets pas comme ça. J'ai beaucoup le... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc... Même dans une situation où il est en confiance, même dans une situation où il devrait pouvoir entretenir un lien fort et s'ouvrir à l'autre, on retrouve dans des difficultés avec sa capacité à exprimer ses sentiments. Il va prôner d'ailleurs des solutions assez simplistes qui vont trouver des échos aujourd'hui. Là, c'est un montage de deux extraits. Les nouvelles sont excellentes. Salo Camille est tombé. Et Maître Vos s'est établi avec ses troupes sur Bosque. Qu'est-ce qui vous inquiète? Le Sénat s'apprête à voter davantage de pouvoir qu'il n'en a déjà au chasseur. Ce qui voudrait dire plus d'action et un peu moins de paroles inutiles. Il faut pas qu'il y ait de mal à ça. Ça ne pourra que faciliter notre victoire. Sois prudent avec ton ami. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Même ces profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Arrêtez! Pour garantir la sécurité dans la continuité, et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Écoutez bien, Padmé. Ainsi s'éteint la liberté. Bon, évidemment, mis comme ça, c'est un peu caricatural, mais il me semble que la manière dont Lucas construit son propos est intéressante. Parce que là, ce que je vous montre dans ces extraits-là, c'est une dénonciation de l'instauration d'un régime sécuritaire, en quelque sorte. Mais dans la rhétorique mise en place par les images, on voit que la construction narrative renvoie dos à dos les camps, c'est-à-dire aussi bien ceux qu'on pourrait assimiler des terroristes que ceux qui prônent la mise en place d'un régime sécuritaire. vous allez voir que les mots utilisés sont les mêmes, les valeurs mobilisées sont aussi les mêmes, finalement, le discours critique renvoie le lecteur face à ses propres schémas de compréhension. C'est au lecteur à prendre position, c'est au spectateur à se faire son idée. Parce que, finalement, à la sortie du film, certains républicains ont pu dire que c'était trop pro-démocrate, trop en défaveur d'une intervention irakienne, etc. Il me semble qu'au contraire, le film est beaucoup plus subtil que ça dans son dispositif rhétorique. Là, je vous ai mis quelques séquences bout à bout. Essayez de les voir par paire. Le conseil veut que tu le tiennes informé de tous les agissements de chasseur. Ils veulent tout savoir de cette chose. Ils veulent que j'espionne le chancelier. Ce serait de la trahison. Nous sommes en guerre avec eux. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas assigné cette mission durant la réunion? Il s'agit d'une mission tout à fait officieuse. Le chancelier n'est pas un homme malhonnête, Miwan. Il me traite en ami. Il m'a toujours témoigné une grande affection. C'est ce qui te désigne pour cette mission. Anakin, nous sommes au service du Sénat, pas à celui d'un dirigeant qui a fait en sorte de se maintenir en place quand son mandat a expiré. Il est resté à la demande du sénateur. Fais appel à ton intuition, Anakin. Il se passe des choses anormales. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je suis persuadé que toi aussi, tu pressens ce que je suis venu à soupçonner. Le Conseil des Jedi a décidé de prendre le contrôle de la République. Il s'apprête à s'en prendre à moi. Je doute que ce soit Anakin. Écoute ton intuition. Tu le sais, n'est-ce pas? Anakin, si tu hésites, il sera trop tard. C'est terminé. Je vais en finir pour toujours. Non! Il faut qu'il soit jugé. Il a la main mise sur le Sénat et la justice. Il est trop dangereux pour qu'on lui laisse la licence. J'ai plus la force. Ne me tuez pas! Pitié! C'est contraire à la règle Jedi! Ne le tuez pas! Ayez pitié! J'ai besoin de lui! Pitié! Non, non! Donc là, je vous passe vite la petite séquence sur deux coups pour vous montrer que c'est vraiment construit. Tue-le maintenant. Tu as confiance en moi, Anakin. Oui, monsieur. C'est extrêmement risqué de vous assassiner. Je ne pense pas que ce garçon soit à la hauteur. Je n'ai pas confiance. Remémore-toi ce qui t'a jadis ces enseignements. Quiconque détient le pouvoir a peur de le perdre. Ça vaut pour les Jedi. Les Jedi sont au service du bien. Le bien est une question de point de vue, Anakin. Ils citent les Jedi. Sont similaires, ils se ressemblent quasiment en tout point. Y compris dans leur quête d'un plus grand pouvoir. Donc, même la clé de lecture est donnée à l'intérieur du film, où c'est donné par évidemment la voix discordante, la voix de l'empereur. Mais un extrait qui dit que les deux puissances en présence ont les mêmes objectifs. On incite en fait le spectateur à s'interroger sur la véracité de cette affirmation et à chercher dans le film des extraits, des éléments qui permettent de corroborer cette position. Alors, autre point qui me permet d'affirmer qu'il y a une forme de radicalisation d'Anakin devant l'incapacité d'un discours construit à le rassurer, à lui permettre de trouver une place au sein de ce conflit, ça va être le moment où Yoda va lui dire les prémonitions que tu as ne sont peut-être pas celles qui te permettent de fonder un jugement clair, intelligent, avec du recul. Je vous laisse écouter Yoda. Quand je pense que tu dois faire preuve pour pressentir l'avenir indiqué, la peur de perdre l'autre mène au côté obscur. Cette fois, je ne laisserai pas ces visions se réaliser. La mort est un élément naturel de la vie. Réjouis-toi pour tous ceux autour de toi qui retournent à la force. Ni les pleurer, ni les regretter plus de toi. L'attachement mène à la jalousie. À l'ombre de la convoitise, il tremble. Que dois-je faire alors, maître Yoda? Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Dans une situation où il a perdu sa mère, il avait eu des préciences de cette perte, il est en train de rêver qu'il va perdre en quelque sorte son épouse, donc il ne devrait pas être amoureux étant donné qu'il est Jedi, etc. Il cherche conseil auprès du bien, du positif, et la seule réponse que lui fournit le bien, c'est « cette perte n'est pas si grave ». Tu devrais mettre à jour ton système de valeurs et comprendre que c'est pas en se fondant sur ces prémonitions que tu dois faire les choix nécessaires au bon fonctionnement de la République. C'est évidemment l'élément qui va faire en sorte que il va basculer. Alors là, au niveau esthétique, c'est assez intéressant parce que c'est le moment où le soleil se couche sur Coruscant. Et c'est le moment où il bascule, en fait, dans, du côté obscur. Il y a une très forte, un très gros travail, me semble-t-il, sur la lumière, sur l'éclairage dans tous les Star Wars, mais en particulier dans la Revanche des Sith, qui permet aussi de comprendre la progression du côté obscur tout au long du film. Et là, on est vraiment dans le point de basculement. J'ai mis deux images d'Anakin. On voit exactement la même chose pour Padmé, où il y a une prise de conscience de l'inéluctabilité, comme le coucher de soleil, de l'inéluctabilité de cette chute du côté obscur. Et cette radicalisation va vraiment prendre l'apparence du clair-obscur, de l'ambiguïté, de la volonté de suivre, en quelque sorte, une intuition, rappelez-vous, aussi bien Obi-Wan que Palpatine lui demande de suivre son intuition, sauf que son intuition est d'une grande complexité, finalement. Enfin, doit traiter une masse d'informations très très grande. Il me semble que la mise en place de cet éclairage ombre et lumière, biface, Janus, est assez cruciale à ce moment-là de la construction narrative. Ce qui le fait vraiment basculer, c'est l'attentat du Temple Jedi, donc le moment où il convoque les Stormtroopers pour aller tuer les jeunes apprentis, c'est le moment où ça devient vraiment impardonnable. Et là encore, la mise en scène esthétique est extrêmement marquante. On a une vue, je ne l'ai pas ici, on a une vue du dessus avec des troupes impériales, qui ne sont pas encore impériales, des troupes de choc qui sont vues d'en haut et qui sont disposées vraiment comme un bataillon très rappelant très fort dans l'imaginaire populaire, ça va être Hydra du côté de Marvel Comics, mais ça va être aussi en fait le Troisième Reich. Donc, encore une fois, la symbolique des images permet de donner aux spectateurs des codes. Et enfin, les deux derniers extraits que je voulais vous montrer, qui sont pour moi les plus flagrants au niveau des échos post 11 septembre, c'est-à-dire le film a été produit est sorti en 2005. On est vraiment dans l'imaginaire contemporain après septembre 2001, parce que Hollywood va nourrir cet imaginaire, on y est encore un peu moins, pendant 5-6 ans de traces. Et on retrouve ces traces dans différents films. Et Star Wars n'y échappe pas. Ce qu'il y a, c'est que si on isole l'extrait que je vais vous passer, ce serait négliger tout l'aspect, je veux dire, construit, ambigu, ambivalent, qui précède, et que j'ai essayé de vous expliciter du mieux que je pouvais avec le temps dont je disposais pour le moment. Cet extrait-ci, vous allez le voir, surtout quand je vais vous montrer à quoi il fait penser. J'ai apporté la paix, la justice, la liberté, la sécurité à mon nouvel empire. Ton nouvel empire ne m'oblige pas à te tuer. Anakin, par allégeance, je suis lié à la République, à la démocratie. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus. Seuls les Sith sont aussi absolus. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. Donc, ce que je veux montrer ici, c'est pas que Bush est en fait Anakin Skywalker. J'espère que c'est pas ça que vous comprenez. C'est pas l'ambition du propos. En revanche, la mise en écho de ces deux extraits vidéo permettent de comprendre en fait que les cultures populaires ne sont pas seulement de l'entertainment, ne sont pas seulement pour vous distraire et pour vous vider la tête. Elles parlent de nous, elles parlent de notre société, elles parlent de l'état actuel de notre société. Et finalement, apprendre à les lire, à les comprendre, à les analyser, pour moi, est une mission aussi de l'université. Il faut que l'université sache que ce qui est le plus partagé, c'est ce type de culture avant tout. Et ces cultures ne sont pas sans valeur, qu'elles soient symboliques ou analytiques. Voilà. Je crois que je conclurai là-dessus. Avec la clavier de Chaneux, de la statue de Lénine ou Staline, revisité en Arménie. Merci.